BR Métal, avec 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Dolbeau-Mistassini. Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977. Notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103 ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. On va parler du hockey mineur de Boumsissi. Je fais un petit écho ce qu'on a pas eu de chronique. Comment une commandite de BR Métal. Salut David. Salut Danny. David, je veux parler des castors de Dolbeau avant de parler du tournoi midget du centre de formation professionnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que là, ils ont fait un bond vertigineux. Ils sont rendus en 18e place au classement POC. Tournoi de Beauport. On a parlé avec David Lamontagne, Robin Bouillard hier. Puis ça peut donner un élan pour les castors, hein? Oui, ben nous autres, je suis bien content de voir ça. Tu sais, une belle progression de l'équipe. Gagner le tournoi à Beauport. C'est vraiment le fun, c'est quand même une jeune équipe. Les attentes, c'est assez. On savait pas vraiment à quoi s'attendre cette année, puis c'est vraiment content de voir ça. OK. Hey, on va parler avec Sébastien Codette la semaine prochaine. Il y a du monde qui commence à me dire pourquoi tu parles pas des rapides. On va en parler, là. Faut que les gens m'aident là-dedans aussi. Donc, ils vont bien, je pense, hein? Oui, on peut en parler des rapides. En trois tournois cette année, ils ont quand même trois finales. Puis, hey, c'est bon? La semaine passée, ils ont gagné le tournoi à la baie. Okay. C'est quand même bon, c'est comme bien. Puis, dans la saison, il y a eu des hauts, des bas. Mais en même temps, depuis les fêtes, là, c'est une mousse belle progression. Là, puis, l'équipe joue très bien. Là. OK, ça, OK. Pour la fin de saison. Puis c'est bon parce qu'ils ont quand même plusieurs joueurs qui sont partis hein, pour l'extérieur. Je veux dire, l'équipe d'Alma qui sont en feu, là, il y a plusieurs joueurs qui auraient joué dans cette équipe-là. Hein? Oui, l'écart, mais tu vois que l'écart se resserre un peu. Hein, justement, Saint-Bruno, là. Saint-Bruno qui était en début de saison, était vraiment dominant. Puis là, l'écart se resserre un petit peu avec les autres équipes. Veux pas, les autres équipes s'améliorent, là. C'est sûr que faire un bantam 2B avec une quarantaine de joueurs, c'est pas beaucoup. Ben non, c'est sûr. C'est quand sûr. Même bon de. C'est très bon. Comment que l'équipe font cette année. Donc, c'est quand même positif. Alors, Ronde Navé, ça tourne de Robertval. Est-ce que les équipes de Dolbeau qui sont là? Sûrement, je pense que oui. Je sais qu'il y en a. Oui, j'ai entendu qu'il y en avait, oui. OK, OK. Sûrement, oui. Après ça, je sais qu'il y avait des équipes au tournoi à Chibougamau la semaine passée. Okay. D'ailleurs, les deux équipes Novice B qui sont rendues en finale, les Éperviers contre les Coyotes. Les Éperviers ont gagné le tournoi à Chougamau. Ça va quand même assez bien aussi dans le Novice. Et c'est le gros tournoi la semaine prochaine au centre de formation professionnelle, la semaine prochaine. Oui, tournoi midget. Ouais. La semaine prochaine. Je pense que ça commence mardi, mercredi. Ouais. On va. Beaucoup d'équipes. Les Castors ont. Castor, il y a une catégorie 2B cette année. Heureusement, ça va aider. Là. J'imagine qu'il y a plus d'équipes en raison de ça. Oui. Ouais. Que les équipes extérieures. Non, ça promet. Ils ont quand même un très beau comité. Éric Delisle puis son équipe. Là, okay. Ça promet pour le tournoi midget. Je n'ai pas le nombre d'équipes exactement. Ben, hier, Robin me disait, je pense qu'ils sont 5. Je pense 5 équipes midget 2B. Il y a aussi, donc, il est espéré d'avoir 6 puis une qui s'est cancellée. Ça fait le tour pour cette semaine? Oui, il y a les séries qui s'en viennent. Oui, c'est vrai. Dans notre, dans notre secteur. Nous autres, on a cette année les séries novices. OK. Fait que, c'est le fun. On a beaucoup d'équipes novices. Ça va faire plus d'équipes qui vont jouer chez eux dans les séries. Après ça, la ronde des champions, on en discutera peut-être plus dans nos prochaines... Oui, effectivement, ça s'en vient aussi, la ronde des champions. Ça fait le tour cette semaine, David. On s'en reparle la semaine prochaine. Parfait, merci, David. Le président du hockey mineur de Boumsessini, David Lamont.